M-E-D-R-I-C Kéfir One Mike Pyromane Diogène à la prod 2012 J'avance armé d'un savoir que je garderai du corps. À quoi bon fumer du seum si ton rap c'est du com? J'suis trop vrai, moi j'sais que j'percerai pas. Et puis les trois quarts des rappeurs ils sont faux, tout comme leur père d'aurait pas. N'arrêtez de me casser les couilles, qui voudrait me couper les allocs, qui veut m'empêcher de fourrer des salopes de MC. Et même si lui qui court, je galope dessus. Rap de connaisseur, tu seras pas déçu, viens faire un petit tour. J'pose sur n'importe quel type de prod, putain d'époque de dingue où tous les types se droguent. Tu piges, on se bat en bosse dur, j'porte pas de costume. Quoi, toi, me conseiller, j'crois que t'es pas en posture, pas à l'aise. J'en ai marre de voir filer des baffes de fou. À l'aise, à max sur les filets du cash de foot. Joue pas l'excité, j'suis avec toi si t'as des idées. Si t'as des idées, bougez pas, jouer au gars des cités. Ma ville, j'en ai rien à foutre. J'représente seulement pour que tu saches d'où vient la foudre. Donc si t'as kiffé, écoute celui-ci. Comme un bouton suicide, coupe l'oreille. Dans mon sommeil, j'compte combien de rappeurs j'pousse au suicide. Mec, faut que tu t'écartes de là vite. Merde, je sais pas ce qui m'arrive quand je me retrouve devant tous les traîtres effacés de ma hive. Tous achètent, j'ai donné ma confiance, mais tous t'achètent. L'amitié, c'est le danger, gros, tout. Faites pas être naïf, je débarque sans gun ni casquette naïque. Et toi tu vas gâcher le son, le rap est taché de 100 mégas à gasser le son. Et on en a marre de se faire apprendre notre art par le genre de petit connard qui apprend pas c'est le son. Moi je fais du rap et je veux que tu vois plus loin. T'as kiffé à peine, j'ai mis le petit doigt. Tu crois que t'es plus malin que nous? Arrête de taper le vice, tu vaux même pas un clou. Et ton crew c'est même pas un crew. La foule est genre hordel, le show est fort mortel. On va remettre les pendules à l'heure comme George Orwell. J'en mets une couche pour les incontinents. Ferme ta bouche, je veux pas de compliments. Je me fous de vous, de ce que vous pensez, tous vos trous, je roule de coups à bout de souffle, je reste debout et lancé comme un coup de boule en pleine poitrine. Hey yo, j'ai pas compris, c'est quoi la laisse tomber, ils sont dans leur délire, peuvent pomper le MC qu'ils désirent. Médric MC, dis-moi quel est le sosie qu'il faut élire. C'est White du Mike, se prenne pour les packs du rap, je dégaine, je les freine dans leur épopée au jardin d'Eden. On a su faire la diff, tout le monde est beau et superlatif. On dit que je suis froid à croire que j'ai le cœur gelé. Tu vois d'un mauvais œil comme si j'étais un or gelé. Or, je l'ai jeté à plusieurs reprises au protagoniste. J'ai recouvert ton corps, même aujourd'hui, t'es pro. Agonie, je tends le glaive et quand le kev sort les dents de Ken. Même si le temps est bref, défends mes lettres, l'éléphant s'énerve. Reste assis sur ton coccyx, on va atteindre le top 10. Alors finis le hip hop piss. Bah ouais, trop de flop fils. L'alcali, j'tue les microbes comme l'alcali. Tout le rap valide, même tes comptes wack balise. Pas de panique, seuls les faux sont mes cibles. D'alcali, métal barri et vite. Je maîtrise mon arpanet, j'ai le feu poudre et l'arbalète. J'ai plus d'une corde à mon arc et d'un tour dans ma mallette. J'ai poussé plus d'un wack et de fou de ma falaise. Prêt à brûler les coups et on s'en fout. Que ça plaise. Au temps du nucléaire, v'là mes armes archaïques. Je défendrai mon art, pas de lézard, pas de panique. Laisse faire et espère que je puisse les calibrer avec des rimes de qualité, une précision de Galilée. Impossible de valider ton rap car il endort tout le monde, pourtant personne n'est narcoleptique. Kéfir et Médric, j'espère tu kiffes notre art collectif.